qualité. Les viennoiseries croustillantes et croquantes, nos sandwichs savoureux et originaux, les pizzas authentiques et napolitaines, nos pâtisseries exquises et délicates, et bien entendu notre pain succulent et nourrissant. La boîte à pain, du plaisir à tous les jours. Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. Chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes à l'écoute de l'Aérospatial. C'est votre magazine radio consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. Nous sommes sur les ondes de CKRL 89.1. Nous sommes en direct en studio puisque le couvre-feu est maintenant à 21h30 et nous pouvons accéder à ce bel espace dont on s'ennuie toujours. On le dit à chaque émission hein, qu'on s'ennuie de faire du studio. Et puis, donc je m'appelle Jean-Tiane Lafrance et je suis accompagnée de Myriam Leland qui fait la console. Oui, je me dérouille la console ce soir pour un petit spécial déconfinement, justement. On est énervés de revenir en studio et de voir nos beaux lieux de diffusion de la Ville de Québec réouvrir enfin après cette saison montagne russe, disons ça comme ça. Mais avant ce spécial déconfinement, on va écouter une entrevue que notre chroniqueur Mathieu Bouchard nous a préparée. Il s'est entretenu avec les membres du collectif MMV 2005 en lien avec l'événement qu'ils ont préparé, fondé, qui s'appelle le Grand Ciabatta Festival. Donc, en première partie, on écoute cette entrevue avec Mathieu Bouchard et spécialement pour cette entrevue, justement, les membres d'MMV 2005 nous ont fourni des extraits de leurs albums puisqu'ils font dans l'art sonore. Vous allez pouvoir les entendre parler de ça avec notre chroniqueur Mathieu Bouchard. Donc, on se laisse déjà sur une pause audio avec un extrait de leur album Ban et non Blanc. que vous pouvez retrouver sur leur page Bandcamp. Et au retour de cette pause audio, on écoute Mathieu Bouchard avec les membres du collectif MMV 2005. Thank you. Bonjour l'aérospatiale, ici Mathieu M. Bouchard. Aujourd'hui, je vous parle du Grand Ciabatta Festival qui va commencer jeudi prochain, le 13. Alors aujourd'hui, je suis avec le groupe MMV 2005, avec ses membres Vincent, Mathieu Leff. Pour parler du festival, donc c'est les investigateurs du festival. Le Grand Ciabatta Festival, c'est quoi, Vincent? Ben, en gros, c'est un festival pour la relève, parce que nous autres, on est des étudiants, anciens étudiants et finissants au baccalauréat en arts visuels et médiatiques à l'Université Laval, puis on voulait organiser un événement pour vraiment promouvoir le travail des étudiants, puis notre propre travail aussi, étant donné qu'on a de la misère à diffuser là, avec la pandémie. Donc, c'est un festival de performance, c'est ça, Matt? Oui, performance, vidéo-performance, surtout vidéo-performance, autant hors sonore. Il y a beaucoup de gens qui mélangent les deux, surtout ça. Ça va être présenté sur Facebook, c'est ça? Fait un événement Facebook, oui. C'est jeudi à partir de quelle heure? De 8 heures. Ouais. Puis là, vous avez quand même une belle carte, là. Vous avez pas mal de monde. Ouais. Peux-tu m'en parler un peu? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'on a pris pas juste des étudiants. On voulait mettre de l'avant, c'est ça, les étudiants, mais on a décidé d'inviter d'autres personnes juste parce qu'on pensait que c'était le bon contexte pour promouvoir justement le travail d'artiste à travers le contexte de la pandémie. Puis, ouais, c'est ça, on a juste comme décidé d'inviter des gens pour essayer de créer un espèce d'événement fantastique, là. Il y a entre autres Laurence Gravel, Austin Holton, Philippe Gagnon, Alexandre Saint-Onge, qui est un professeur, lui, de l'université, Francisca Vaden, Sama Saidi, Georges Azaria, Marie-Soleil Kerouac, Nicolas Noro, Vinicia Tibucas, Antoine Paradis et vous, qui allez faire une performance aussi. Yes. Un show? C'est une vidéo performance. C'est une expérimentation qu'on a faite dans notre local de pratique. Okay. On a comme transformé notre local de pratique pour justement expérimenter un peu comme dans une hutte. Okay. Pour jouer avec l'espace vraiment. Ouais, c'est ça. Autant sonore, mais en se déplaçant avec nos gestes. Puis avec divers instruments comme préparés à différents endroits dans le local, dans notre espèce de hutte, justement. De voir comment l'espace peut interagir avec notre mouvement un peu. Ouais. C'est que le local est quand même, comment dire, capricieux en termes d'écho, puis de. Pour enregistrer justement dans le local. Donc on a comme eu l'idée justement de séparer ce local-là pour essayer de jouer justement avec. Les spécificités du local. On ne dit pas qu'on arrive vraiment à quelque chose d'ultra précis d'une certaine façon, mais ça donne un résultat qui est mené à quelque chose, qui n'est pas nécessairement une fin en soi. Oui, une fin en soi, mais qui est bien, dans le sens qui n'est pas négatif. OK. Puis vous, votre performance est quelle journée? C'est encore à décider. L'horaire n'est pas encore fixe. Non, c'est ça. L'horaire va sortir, en fait, ce soir. OK. Ah, c'est fait qu'il va avoir un horaire de... C'est un scoop. Ouais, c'est un scoop, exactement. Ça va sortir, mais en même temps, je ne sais pas quand l'émission va être diffusée. Là, C'est mercredi. Bon, mais l'horaire va déjà être sorti à ce moment-là. Puis, en fait, il va y avoir des... Vous avez juste à aller voir sur la page, soit la page Facebook de MMV 2005 ou bien l'événement, le Grand Ciabatta Festival sur Facebook. Puis dans le fond, il va y avoir, c'est ça, chaque jour, une programmation avec, exemple, dans l'ordre de quelle vidéo va être présentée. Il y a aussi il y a de la vidéo performance, il y a de l'art sonore, mais il y a aussi, j'ai juste de l'art vidéo tout court, okay. Dans le sens que genre... Qui a déjà été préenregistré, par exemple. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y a du monde là-dedans qui ont... ils nous ont envoyé des documents, des travaux qu'ils ne souhaitent pas présenter dans un autre contexte, ou exemple des anciens travaux, ou même des choses qu'ils ont faites spécialement pour l'occasion. Fait que ça va être assez hétéroclite comme événement, mais je pense que c'est ça le but, puis en même temps, c'est ça qu'on voulait amener. Oh, oui, d'y aller un peu, pas à l'arrache, mais un peu, là, puis de mettre les choses à l'avant. C'était quand même très décomplexé. Là. Ouais. C'est parti d'une conversation avec moi et Vince. sur notre feed Facebook, justement, Messenger. Fil en aiguille, c'est quand Matt il a fini par lire nos textes, parce qu'on avait beaucoup écrit, ben il a dit on fait-tu pour vrai, puis on a comme fait oui. Puis, tu sais, même dans le choix des gens, c'était vraiment plus, surtout Vincent à l'école ici, qui a demandé à beaucoup de gens s'il y avait du contenu vidéographique à présenter. Finalement, ça s'est conçu de cette façon-là. Il n'y a pas eu nécessairement de... C'est sûr que, selon certaines personnes, ils vont voir qu'il y a plus, mettons, de troisième année, ou même des gens au bac, ou des profs, quoi que ce soit, mais il n'y a pas eu nécessairement de choix précis. Ouais. Puis même chose pour l'idée de Georges, d'inviter Georges et Alexandre Saint-Onge, c'est une discussion que j'ai eue avec Philippe et Laurence à leur exposition. On discutait, puis on lançait comme ça, inviter Georges et Alexandre. Comme de fait, je leur ai écrit, puis on a tout de suite accepté. Mm. Oh, ça s'est fait de façon très constellée. Ouais, je pense qu'ils sont sont vraiment contents de participer, puis ce qu'ils vont présenter, c'est que c'est du matériel inédit, puis je trouve que c'est comme une bonne occasion de leur... Ben, en fait, c'est vraiment gentil de leur part de mêler une espèce de programmation entre Alexandre Saint-Onge, qui, oui, est un enseignant ici, mais qui est aussi un artiste assez présent dans le milieu, là, tu sais, on va se le dire. Mm. Puis, à travers, justement, des étudiants qui sont finissants, puis qu'on a décidé comme de le présenter dans une programmation qui est ensemble, tu sais. Puis aussi de mêler un peu Georges avec ça, que Georges, on l'a souvent en étant le directeur de l'école, mais qu'il ne faut pas oublier que Georges a aussi une pratique, puis a eu une pratique et a encore une pratique. Super intéressante aussi. Exact. Ouais. C'est ça. Puis on trouvait que ça. Moi, je trouve que ça fait super bien avec. L'identité de MMV. Là. Mm. Mm. Mais tu sais, quand on regarde votre programmation, on n'a pas l'impression que c'est nécessairement des gens qui sont de la relève, là. Tu sais. Mm-hmm. Peut-être que c'est du fait de la présence de ces deux noms-là, mais aussi, j'ai l'impression que le côté improviste puis le côté, vous êtes décomplexé, ça fait que c'est ça qui est séduisant. On a le goût de venir voir le party plus que de... On n'a pas l'impression nécessairement qu'on... La qualité va être au rendez-vous, c'est certain, on dirait, à cause de ça, parce que c'est plus un party, un événement. Ouais. C'est juste le nom aussi, le Grand Chabata Festival, qui est un peu absurde. Ben, en fait, c'est que ça, le jeudi prochain, c'est la journée internationale du ciabatta. Tu m'informes là-dessus? Oui. J'avais pas. on a pensé que c'était une bonne raison pour appeler notre festival comme ça. Puis aussi, on est comme un peu le ciabatta, le pain dans une sandwich, c'est ce qui lie vraiment. Ouais. Fait que vous êtes le pain, puis votre programmation. Tout le monde est le pain. Tout le monde, oui, c'est ça. On est l'ami. Façon, sauf que le désir de rassembler, c'est un peu le mouvement de mettre deux pains un par-dessus l'autre avec du stock à l'intérieur. Mais tu sais, déjà, on est un peu à l'avance. Le pain est en train de lever en ce moment. Oui, je pense que ça va poigner. Oui, définitivement. Ben, c'est ça, tu sais, la journée internationale du pain est en... Je pense que c'est en octobre. Ben, c'est ça, c'est que là, c'est trop loin. Ah. Fait que là, il a fallu se rabattre sur un autre... Le ciabatta. Mais on peut parler de la spécificité du ciabatta à ce moment-là. Oui, oui. Ben, c'est exotique, quand même. Ah! C'était rapide. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité à choisir les ciabatta. Là, en fait. Exact. Puis... Ouais, ben, ça peut s'apparenter à un buns pour faire des hamburgers, justement. C'est un son très musical aussi. Ouais. Ciabatta, c'est exceptionnel. Comme oui, c'est vrai. C'est rythmique. Ouais, on entend le maracas, c'est un peu ça. Ciabatta. Art sonore. Comme un petit... C'est probablement le pain le plus sonore. Oui. Ouais, l'extérieur est très dru, très... il coriace. Il est dur, mais à l'intérieur, il est comme... Il y a de l'espace à l'intérieur. Mais c'est jamais sec qu'une croûte de ciabatta. Non. Non, c'est toujours une... Puis tu sais, c'est aéré, je trouve qu'il y a de l'espace pour qu'il y ait des choses qui se passent dans le ciabatta, dans ta bouche. Puis aussi pour ferme, faire des actions, justement, le rapport mou-dur qui est quand même assez coexistant, il est propice à comme, l'actualisation dans des performances et sonore. Ben, surtout que l'événement est numérique, mais qu'il y a des actions concrètes qui sont produites dans les vidéos. Donc le caractère mou-dur est complètement... et sa place. Ouais, ouais. Je pense aussi que clairement, on a eu la meilleure définition là, dans les quelques minutes qu'on a parlé du ciabatta. Mm. C'est juste fait 2 minutes qu'on parle de pain. Ben, ça, je pense que c'est important. Oui, c'est oui, important. Ben non, c'est plus nécessaire à l'événement. Ouais. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland, toujours au micro, et on poursuit cette entrevue que Mathieu Bouchard nous a préparée avec les membres du collectif MMV 2005. Donc, on entendait la première partie de cette entrevue juste avant la pause musicale, un extrait de l'album, justement, de MMV 5. MMV 2005, pardon. Donc, c'était un extrait de l'album Responsable Bénévole, et on écoute maintenant la deuxième partie de cette entrevue préparée par Mathieu Bouchard. C'est un peu comment vous travaillez en groupe? Je pense qu'on a. On va dire. On a commencé par juste vouloir faire. Du son, là. Mm-hmm. C'était ça à la base, là. Puis là, c'est juste devenu beaucoup plus. Ouais. Puis à un moment donné, dans le sens où. Ben, je sais pas, Vince, comment. Ben, moi, je pense qu'on se considère comme une espèce de laboratoire un peu expérimental qui touche autant au sonore, à la création d'objets, à la performance ou mm-hmm. quoi que ce soit. Puis ça nous amène à pas vraiment travailler en termes de médium, là, mais. Puis pas tant par projet, mais en fait, c'est une série de projets qui se modulent un peu, mais je par pense. Idée, par idée, c'est ça. Comme, ils ont comme une suite comme tu, organique. Comme, ouais, c'est ça, comme tu as dit, justement, tu sais, on se renvoie ouais. la balle souvent. Oh, ouais. Puis il y en a un qui en ajoute, il y en a un qui en ajoute. On puis, l'élimine, on l'essaie. C'est très... C'est, les projets, c'est très une idée qui finit par... Arriver. Mmh. Puis, je pense que y a quelque chose dans le fait que vu qu'on est trois, tu sais, ensemble, puis qu'on on se nourrit, puis on réfléchit ensemble, tu sais, ça nous, je trouve qu'à un moment donné, ça nous a poussé à se poser une question de savoir c'est quoi aussi notre place dans le milieu culturel, on va dire, à Québec, tu sais, parce que moi, je sais que personnellement, c'était quelque chose que je me demandais, tu sais, c'était quoi qu'est-ce qui se passait, puis si c'était quoi la possibilité qu'on fasse bouger les choses ou qu'on crée des événements ou qu'on espèce de créer des rencontres ou de la pousser des gens à produire des choses, tu sais. Puis, dans le fond, c'est pas si compliqué de faire ça, tu sais. C'est juste qu'en général, il y a beaucoup de monde dans le milieu artistique qui vont pas se donner la peine de le faire ou qui vont attendre peut-être une occasion, je sais pas, tomber du ciel, tu sais. Puis, je pense qu'avec le Grand Ciabatta Festival, on a juste dit comme, hey, ben, ça vous tente-tu, nous, on s'occupe du reste, tu sais. Mm. Puis, je pense que les gens sont vraiment contents puis ont été même impressionnés que ça arrive comme ça, comme une bouchée de pain. Non, puis, non, mais je me demandais aussi quand est-ce qu'on allait revenir au pain. Mais ouais, c'est ça, tu mets une bouchée de pain, il est déjà un peu. l'humilité de base. Créative. Parce que l'idée du Grand Ciabatta, ça s'est arrivé il y a combien de temps? Une semaine, deux semaines? Un mois. Ça fait un bout qu'on en parle. Oui. Mais en fait, c'est qu'on avait fait notre performance qu'on va présenter dans le cadre du festival. On l'a fait, puis on voulait la présenter, mais on se demandait comment la présenter, étant donné que on voulait pas simplement la mettre sur notre YouTube puis la laisser là. On voulait faire quelque chose d'un peu plus grandiose que ça. On voulait déjà faire un événement avec seulement une projection de notre performance. Sauf qu'on s'est dit, mais pourquoi pas rendre ça plus gros, puis intégrer le plus de monde possible. Puis faire profiter aux autres. Oui, c'est parce qu'ils font partie de notre du milieu. Ouais. Puis qu'on est tous dans le même. On est tous dans le même bateau. Mais ça sert à rien de juste promouvoir. Ben, c'est bien de promouvoir son propre travail, mais en même temps, si ça peut faire résonner d'autres gens. Le travail gagne de l'engouement avec le travail des autres. Puis c'est ça qui est intéressant avec une dynamique de travail collectif, là, de collaboration. Oui, puis je pense en général, vous êtes rassembleur. Là, vous êtes c'est pas votre premier show que je vais voir. On se connaît aussi. La tournée mondiale nord-américaine, c'est ça. T'étais là tout le temps. Oui, c'est ça, j'ai déjà mon t-shirt. Mais. vous êtes. Tu sais, il y a aussi tout. J'ai l'impression que dans votre synergie de groupe, il y a vraiment. Vous êtes des yes-men aussi, là. Vous êtes des gens qui. Go, on y va, on fonce. Puis il n'y a pas de mauvaise idée. Puis votre objectif, c'est de faire émerger des choses. Puis. C'est un peu comme ça. C'est un peu la base de comment on travaille. Là, que de faire des choses, il faut se mettre disponible à ce que des choses arrivent sans nécessairement trop les chercher, ou moins faire avec ce qui vient. Puis c'est un peu l'idée d'utiliser les gens qu'on a. Ben, pas d'utiliser, d'inviter les gens qu'on a invités. C'était aussi de faire les choses avec ce qui est proche, puis ce qui nous est déjà donné. On n'a pas besoin de chercher. Oui, on a cherché un peu, mais ça se fait bien quand on est juste attentif à ce qui est proche de nous et à ce qui peut débouler de façon spontanée aussi. Mais tout ça pour dire que l'événement, c'est une première pour nous aussi d'une certaine façon. T'sais, on n'a pas nécessairement fait de envoyer de thème ou quoi que ce soit. T'sais, les gens ils présentent vraiment ce qu'ils ont envie de présenter. Pour nous, c'est un test aussi d'une certaine façon. Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on pourrait remodeler ça dans un futur proche ou lointain, éventuellement en présentiel. Si on peut arriver à jumeler soirée de performance en live, soirée de projection, mélanger justement musique et tout ça, en présentiel, ça pourrait être un bel accomplissement, dans le sens qu'on serait content de faire ça. T'sais, éventuellement, c'est certain que le présentiel va revenir un jour, on ne sait pas quand, mais en attendant, est-ce que le côté live, le côté Facebook Live, ça vous séduit aussi, ou c'est juste par dépit que vous le faites, mais est-ce qu'éventuellement vous allez répéter l'expérience? Moi, je pense que ça nous satisfait, puis on est vraiment content de le faire comme une première édition, parce que personnellement, j'aimerais jurer que ça ne sera pas la dernière édition du Ciabatta Festival, là. Même si ce n'est pas encore arrivé. Là. Ou un autre genre de pain. L'objectif, c'est d'en répéter un l'année prochaine. Même avant ça. Ouais, ou. OK. Mais pas parce qu'on. D'autres formes d'événements. Parce qu'on a senti, aussi l'engouement de d'autres personnes qui nous ont écrit pour nous dire hey, c'est hot que vous fassiez ça. Puis qui était quasiment genre « Ah, j'aurais aimé ça, participer au Grand Ciabatta Festival. » Puis là, après ça, ça nous a fait débouler, c'est comme « Ah, mais là, il y a tellement de monde qu'on pourrait inviter pour changer aussi la dynamique de qu'est-ce qu'on présente. » Fait que... Non, je pense que ça, c'est... Pour l'événement live, c'est bien. Mais effectivement, puis on a comme un côté... Et même vu tout court, on a un côté grandiose, là, tu sais. Si c'est à travers nos pochettes d'albums ou nos façons d'expliquer, exemple, notre travail, puis tout, ben je pense que un éventuel autre festival va être encore plus grandiose. Oui, parce que juste pour la description du Grand Ciabatta Festival, ça vaut la peine d'aller voir sur Facebook, sur la page de l'événement. Oui. Juste pour lire. Le beau texte. Parce que déjà, là, ça décrit bien. Oui, ça décrit bien, c'est clair. Ça va direct au but. Puis je pense que ça vaut la peine d'aller juste marquer l'événement juste pour ça. Puis aussi, je pense que vous avez une manière pour... on peut vous financer un peu par Facebook. Ah oui, c'est vrai, ça. Faut en parler, je pense. Ben oui, faut vraiment en parler. Il y a un fundraiser, genre, sur Facebook, là, que vous pouvez donner. On a mis un objectif qui est quand même modeste, mais je veux dire, n'hésitez pas à... Faut pas hésiter à défoncer cet objectif-là, parce qu'en fait, ça va servir à... On va diviser le cash. Tu sais, c'est comme un... C'est un peu comme le chapeau. C'est ça, on va juste split le pot avec tout le monde. Ça, c'est un cachet, mais les gens ont décidé de participer sans nécessairement avoir dans l'idée qu'ils allaient recevoir quelque chose. Si c'est 30 ou 40 $, tant mieux. C'est ça, on a comme été chanceux que les gens ont quand même voulu participer, même sans, parce que nous non plus, on reçoit rien de faire ça, c'est vraiment pour le faire, donc. On s'est dit que c'est quand même la moindre des choses d'essayer, au moins de donner un cachet à ceux qui ont participé, puis d'encourager les gens de donner, justement. Là. C'est vraiment dans l'air du temps, là, la culture de Patreon, la culture de Tipeee, tu sais, tout ça. Ben oui, puis non, comme on dit, c'est pas différent de passer le chapeau, tu sais, à la fin d'une prestation, ou comme ça se fait encore beaucoup dans des événements, tu sais, de musique live, exemple, tu sais. Puis je pense que c'est comme la façon la mieux, parce qu'en fait on a eu aucune subvention pour faire ça, nous on le fait de notre propre temps. Ouais, c'est easy, puis je veux dire, je pense pas non plus que nous-mêmes on va se payer, en tout cas on verra combien qu'on reçoit au total là. Mais dans le sens que on le fait par volonté de faire bouger un peu et l'objectif le aussi, comme tu disais tantôt, c'est de refaire un autre festival éventuellement, fait que ça peut, tu sais, aussi si vous avez une petite marge, mais ça dépend vraiment du montant là. Ouais. Tout le monde est... Mais là, déjà, vous êtes quand même proche de l'avoir. Ouais, rendu là, c'est hypothétique. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Exact. De toute façon, il va y avoir jeudi, il va y avoir la première journée. Exact. Mais après ça, ben, éventuellement... Ben, il va y avoir d'autres événements orchestrés par MMV 2005. Puis, juste pour finir avec le Grand Ciabatta Festival... ça commence jeudi. 8h. Ouais. Jeudi le 13 mai. Yes. Jusqu'à le 16 mai, dimanche le 16 mai, à vers, je sais pas, là, 11h, 10h même. Ouais. Peut-être moins que ça. En tout cas, ben, il faut juste aller là, ça va sortir. C'est très clair, merci. Merci les gars d'être venus à l'entrevue. Merci à toi. Merci à toi. C-K-R. Elle. Communication. Culture. Cette année, le Radioton de CKRL sera du 28 au 30 mai prochain. Soyez solidaires en contribuant financièrement au développement de votre radio communautaire. Faites un don de 20 $ et plus avant le jeudi 28 mai à 16h et courez la chance de gagner le prix spécial Don Pré-Radioton offert par le Lopin de Terre. Un panier de légumes frais hebdomadaires pendant 16 semaines, de juin à octobre, d'une valeur de 400 $. Vous voulez faire un don? Allez sur ckrl.qc.ca ou au 418-640-2575, poste 201, ou encore passez à la station 405 3e avenue Limoilou. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. La bande dessinée vous intéresse? Le Festival Québec BD est de retour cette année pour une 34e édition du 9 avril au 13 juin. Présentée en ligne, la riche programmation vous invite à faire la rencontre d'auteurs et d'autrices, créer des bandes dessinées, découvrir le 9e art québécois ou simplement passer un bon moment. Explorez toutes les activités offertes au québecbd.com. Toi, ton vaccin, tu l'as eu? Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Et tu l'as pris pour quoi? J'ai pris le vaccin danse. Le vaccin danse? Trop bonne idée! Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus. Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang. La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec. CKRL recrute un concepteur publicitaire et un gestionnaire de contenu web pour sa saison estivale. Tu as entre 15 et 30 ans et tu recherches un emploi d'été dynamique à la radio? Cette offre est faite pour toi. Fais-nous parvenir ta candidature à direction@commercialckrl.qc.ca au plus tard le 24 mai 2021 à 9h. Offre complète sur ckrl.qc.ca. Le Knockout. Le Knockout célèbre ses 8 ans ce samedi 15 mai Affiche tes plus beaux habits de Air Metal et obtiens des rabais instantanés en magasin. Musique de circonstance toute la journée. Rabais en ligne, en soirée. Le Knockout, 832 rue Saint-Joseph-Est, 581-742-7625. Leknockoutdisquaire.com. Spray neuf fourni. Toujours à l'écoute de l'aérospatiale. Je m'appelle Gentiane Lafrance et je suis accompagnée de Myriam Leland qui joue avec les boutons de la console avec une main de maîtresse. Je m'amuse. On est en direct en studio à CKRL et ça fait notre journée. Ça fait du bien de ne pas se voir sur un écran. Et puis, ben, avec tout ce déconfinement qu'on sent que c'est le bon cette fois-ci parce que la vaccination va bon train, on avait envie de vous partager notre excitation puis notre curiosité par rapport à différents événements en art visuel là, qui rouvrent leurs portes et qu'on peut aller visiter en présence. On va commencer par Anthropocène parce que c'est celui qui est le plus urgent. Oui, ben. Mon Dieu, après une... C'est quoi? Ça fait 4 fois qu'il réouvre? Hein? Oui, tout à fait. Là, on avait eu Martin Bureau en entrevue et le jour même, on apprenait que l'exposition ne serait plus accessible au exact. Public. Là. Et ça, c'était le 30 septembre. Tout à fait. Et puis, donc, c'est une très, très, très belle exposition Anthropocène de la contemplation de la menace. Ça s'est présenté à la maison Amel Bruno. Et c'est dimanche que ça se termine, le 16 mai, avec les œuvres de Evelyne Boulevard de Québec, de Édouard Wurtinski, de Guillaume Dessire, Nadie Larchet, Dominique Gaucher et Martin Bureau lui-même qui agit donc en tant que commissaire et qui participe de ces œuvres. On avait fait une très belle entrevue avec Martin, justement, comme tu le disais, Myriam Leland, à l'émission du 30 septembre. Et c'est une exposition anthropocène qui nous amène à réfléchir sur les conséquences des actions de l'être humain sur la fragile écologie dans laquelle il évolue. Donc, avec la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est vraiment une réflexion qui est pertinente. Donc, on ne peut plus actuel. Tout à fait. Et c'est une exposition qui rassemble des disciplines très, très différentes les unes des autres. Et puis, ça la rendait vraiment riche, complexe et... Oui. Et intéressante à visiter. Surtout dans le contexte de la maison Amel Bruno, qui on est a, un... On a quand même une petite faiblesse. Un petit faible pour la maison Amel Bruno. Donc, c'est une maison patrimoniale qui date du 19e siècle, là, si je ne me trompe pas. Et qui, donc, avec avec un esprit très domestique, des pièces... C'est très intime. Et puis, donc, on voit les traces d'un foyer, donc des éléments domestiques habités. Et ça donne vraiment un contact très intime avec les œuvres. Exactement. Ben, parlant d'architecture, on se dirige, on peut se diriger vers la Galerie des arts visuels où ce qui a été renommée pour l'occasion la piscine des arts visuels, qui présente une simulation non essentielle, un projet in situ de Frédéric Laliberté. Delphine Guesbar, fidèle à son habitude, nous a fait une chronique géniale sur le sujet, puisque c'est une exposition qui était déjà disponible à voir à partir des vitrines, mais Delphine le dit plusieurs fois dans sa chronique, elle souhaitait très, très, très fort qu'on puisse aller la visiter en personne, parce qu'il a l'air d'avoir plein d'éléments qui sont intégrés à cette exposition-là, qu'on n'est pas trop sûr si c'est du dessin, si c'est des objets recyclés. Elle mentionnait un escabeau qui appartient très clairement à la Galerie des arts visuels déjà, mais qui est intégré dans l'installation. En tout cas, le souhait de Delphine a été exaucé. On va pouvoir... en fait, depuis aujourd'hui, on pouvait aller la voir, cette exposition-là. Et elle se poursuit jusqu'au 23 mai. Et Jean-Tiane, je sais à quel point t'aimes ça lire des petits extraits. Alors, je te laisse lire un extrait du communiqué de presse et du texte qui a été écrit par Frédéric Laliberté, justement. Oui, ben oui, c'est ça. Frédéric Laliberté nous a habitués à... une pratique dans l'humour et l'appropriation. Et puis, elle joue justement sur le fait que la Galerie des arts visuels, lors des travaux d'aménagement de cet espace galerie-là, il a été question de creuser et de faire un espace dans lequel on descend dans la galerie. Et donc, c'est sur cette idée-là qu'elle a fait du pouce pour la transformer en la piscine des arts visuels. Donc, je vous cite un extrait là, qui provient du communiqué de presse. « Saviez-vous qu'à l'origine, il existait un projet de creuser le plancher de la Galerie des arts visuels 4 pieds plus profond? On serait descendu à la galerie. Mais les responsables du chantier n'ont pas voulu, n'empêche que cet espace ressemble en tout point à une piscine publique. Il ne fait d'ailleurs aucun doute que c'est ce que deviendra le jour où la galerie déménagera. Voici une maquette grandeur nature de ce à quoi cette fiction pourrait ressembler. La piscine des arts visuels, à la fois intérieure et extérieure, est ici suggérée. » Donc, on sent comme toute l'humour dans la pratique de Frédéric Laliberté dans cette courte description, cette courte intention, si on veut, de l'artiste. Et puis, on s'ennuie des piscines quand même, hein? On s'ennuie vraiment beaucoup des piscines, oui. Puis dans ce texte-là, on sent beaucoup aussi... là, je vais essayer de me rappeler exactement. On n'a pas arrêté de le répéter avec Delphine la semaine dernière en enregistrant sa chronique, mais Frédéric qualifie elle-même de sa pratique d'irrévérencieuse, mais pertinente. Je me rappelle plus, mon Dieu. Mais bon, tout ça pour dire que c'est une pratique qui est très humoristique, mais à la fois pertinente, justement, qui fait réfléchir, mais qui sème le doute, vraiment. On se demande, voyons, c'est-tu vrai? Il est supposé avoir une piscine, là? Et elle joue beaucoup sur la limite entre la fiction et la réalité. Et puis, ça, c'est une des forces, justement, de la pratique de Frédéric Laliberté. Et puis, c'est une exposition qui s'inscrit dans le cycle du 50e anniversaire de l'École d'art de l'Université Laval, donc qui n'a pas choisi vraiment son année pour fêter son 50e. On fait avec ce qu'on a. Et du côté de la Chambre Blanche, il y a une installation immersive d'Alain Vergifos. On s'excuse, Alain, si on a massacré donc, votre nom. Donc, cette installation-là combine deux corpus d'œuvres vidéographiques, donc Érosion ainsi que Flux et Densité. Ça a été exposé du 26 mars au 17 avril. Et la galerie de la Chambre Blanche rouvre au public. L'exposition est toujours en cours et on a jusqu'au 29 mai pour pouvoir aller la voir. Donc, dans le cadre de cette exposition-là, Alain Vergifos présente des œuvres récentes, plus anciennes, afin de créer un contexte d'expérimentation, de contemplation et de réflexion à la fois sensible et critique. Oui, puis c'est une belle occasion aussi, justement, de faire écho d'une manière symbolique au travail de collaboration et de recherche qui a été faite avec l'historienne de l'art et la commissaire Anne-Sophie Blanchet. Donc, demain, jeudi, à 14h, il va y avoir une conférence Zoom conjointe où ces deux personnes, donc Anne-Sophie Blanchet et Alain Vergifoss, moi aussi, je vais le massacrer tant qu'à être deux. Donc, ces deux personnes vont revenir sur leur résidence à la Chambre Blanche. Donc, ça fait un beau duo d'activités. Le Zoom était déjà prévu, mais on est très contente que la galerie rouvre. Et une autre galerie qui rouvre, c'est... Pas très loin. Pas très loin, en plus. C'est la Galerie 3 qui présente l'exposition « Mon potager » de Dan Brault. Les œuvres étaient déjà diffusées en ligne depuis le 29 avril. Et dès aujourd'hui, depuis aujourd'hui, en fait, l'exposition est accessible en présence à la Galerie 3. Et ce, jusqu'au 30 mai. Donc, ça nous laisse quand même quelques semaines pour aller découvrir cette exposition-là de Dan Brault qui jongle un peu avec l'idée d'œuvres, de croquis. C'est une exposition qui est très généreuse. Il y a, si je ne me trompe pas, 41 œuvres dans la galerie. Mm-hmm. Et c'est fidèle à Dan Brault. Plein de couleurs, plein de lignes et de formes. C'est foisonnant. C'est foisonnant. Et de ta voix foisonnante, Gentiane La France, peux-tu nous lire encore un extrait d'un communiqué de presse qu'on aime tant entendre de ta voix? Oui, donc je cite Dan Brault, l'hiver fut calme, long et propice à la germination. À l'atelier, je fus pris d'une fièvre créative qui me poussa à jouer au jardinier avec ma peinture. Plantant ici quelques tableaux paysages, là une rangée de dessins tout droit sortis de mes sketchbooks, et plus loin encore, cette série de tableaux qui m'obsèdent depuis toujours. À l'instar du potager débordant de promesses et de vie, j'ai voulu peindre en toute liberté, oubliant complètement les notions de rigueur et de justesse, en les opposant à celles de désinvolture et de légèreté. Aussi, j'avais envie de récolter ce que mon impatience et mon imagination avaient à offrir. J'ai laissé alors aller mon potager afin que la récolte y soit surprise. Et comme le dit si bien le proverbe, on ne peut retenir le printemps dans son jardin. Oh, donc, c'est magnifique. Une belle exposition printanière, vraiment à l'image de la pratique de Dan Brault, donc foisonnante, florissante, généreuse, comme tu dis. Oui, on est vraiment dans les termes de jardin foisonnant et verdissant. Et ça me fait penser à je me cherche encore le mot, là, mais au genre de terrorisme jardinier qui consiste à pitcher des bombes de semences. Les bombes de semences. Et à voir qu'est-ce qui explose. Le guerrilla gardening. Oh, merci, en bon chinois. On a aussi une autre exposition dans une autre fabuleuse galerie de la ville de Québec qui rouvre. Et cette fois-ci, c'est du côté de la galerie Alexandre Motulski-Falardeau. Donc, c'est l'exposition Plénitude, nature et spontanéité chez Riopel, qui se déroule jusqu'au 30 mai. Donc, encore une fois, quelques semaines pour aller se pointer le bout du nez à la galerie Alexandre Motulski-Falardeau. Donc, parmi les 25 œuvres originales de l'exposition, dont certaines n'ont jamais foulé le sol canadien, quand même, c'est beaucoup dire pour des Riopel, le public pourra admirer des acryliques, des gouaches, des encres, huile, bronze, pastel et quelques techniques mixtes. Et pas très loin de là, également à la galerie Michel Guimond. Qu'est-ce qu'on retrouve, Gentiane? Oui, ben c'est l'exposition de Raphaël Sottolicchio qui avait donc dû subir la fermeture des commerces non essentiels. Devait se terminer le 18 avril et elle est prolongée jusqu'au 23 mai. C'est l'exposition, elle se nomme Empire. Elle est issue d'un désir de questionner le rôle du pouvoir et de l'argent dans la culture, de même que leur impact sur la vie quotidienne et la création artistique. Donc, c'est une belle occasion de découvrir ce tout nouvel artiste dans l'écurie de Michel Guimond, là, comme on le dit dans le jargon du métier. Donc, on coupe notre long agenda, et long agenda très bienvenu parce qu'on en attendait un depuis longtemps. Donc, on prend une petite pause audio avec une piste qu'on a déjà entendue ici à l'émission « Gracieuseté du goût musical » de Gentiane La France. Donc, c'est Juliana Molina avec la piste « In de Lhasa ». Et au retour de cette pause musicale, on continue notre agenda déconfiné. Nous sommes de retour à l'aérospatial et Myriam Leland et moi-même, Gentiane La France, on vous offre un agenda étoffé, déconfiné, excité du retour des espaces d'exposition dans nos opportunités d'activités. Donc, il y a de l'exposition BD, la shop sort de sa bulle, qui est une exposition qui est présentée à la Maison de la littérature. Donc, c'est l'atelier BD La Shop à Bulle s'est installé dans la Maison de la littérature là, dès son ouverture en 2015, mais elle existait déjà depuis 2011. C'est donc pour souligner ce 10e anniversaire que La Shop à Bulle investit l'espace d'exposition de la Maison de la littérature et invite le public à venir découvrir le travail de JF, de Richard Valérand et de Paul Bordelot, les trois membres actuels, ainsi que de Michael, l'un des membres fondateurs. Oui, c'est ça. Et peut-être que ces noms-là vont vous dire quelque chose, même si vous n'êtes pas familier avec le monde de la BD, parce que ce sont des personnes qui avaient participé à l'exposition Fugitif qui avait eu lieu au Musée national des beaux-arts du Québec dans une des pièces consacrées aux collections permanentes plus anciennes. C'était ces magnifiques dessins qui représentaient des esclaves fugitifs, justement, en lien avec des annonces retrouvées dans les archives de journaux. Un très, très beau projet de Webster. De Webster qui venait justement le mettre ses connaissances historiques au service d'un projet de diffusion au Musée national des beaux-arts du Québec. Et donc, on passe du Vieux-Québec à la Rive-Sud avec le centre d'exposition Louise Carrier qui présente l'exposition Fusion Garneau-Jonca pour les sculptures de Huguette Jonca et Jean-Paul Garneau, donc qui vont être représentées jusqu'au 20 juin. Et c'est un commissariat de Marie-France Bégy. Les œuvres des regrettés artistes sont arrivés directement des îles de la Madeleine la semaine dernière et le centre d'exposition Louise Carrier est heureux de pouvoir enfin présenter au public cette exposition qui était initialement prévue en 2020. Donc on est patient, hein? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de ces choses-là qui se passe, qui était supposé se passer l'année dernière, oui. Et là, on y a enfin accès. Donc, c'est à partir de dimanche, le 16 mai, à 13h, qu'on va pouvoir avoir accès à cette exposition Fusion Garneau-Jonca, qui est présentée au Centre d'exposition Louise Carrier à Lévis. Exactement. Il y a aussi Manif qui nous a préparé une belle exposition en bibliothèque. C'est l'artiste Olivier Bérère-Vidal qui présente des œuvres récentes sur papier, réalisées à l'encre grâce à une variété d'outils communs ou fabriqués. Certaines pièces portent des interventions de pliage, découpe, tissage, broderie, estampes, et ces œuvres sont construites plus ou moins spontanément, donc parfois selon des protocoles ou des grilles, parfois très librement. Tout ça est visible et disponible à la bibliothèque Claire Martin du 15 mai au 27 juin, donc on a une bonne partie de l'été pour y avoir accès, et c'est selon les les heures d'ouverture de la bibliothèque Claire Martin, bien sûr. Et il y a aussi le mois multi qui nous fait la belle surprise de nous offrir des pop-up tout au courant du mois de mai. Donc, on a comme des petits relents du mois multi, bon, qui était un peu aminci cette année. Donc, on a l'effondrement virtuel, qui est une expérience en réalité virtuelle, qui est présentée le 12, 16 et 20 mai. Il y a également le bureau de l'APA, qui livre la majorité chez vous. Donc, c'est un déambulatoire sonore qui va avoir lieu le 20 mai. On vous invite à aller voir les événements Facebook et à réserver vos places. Là, c'est sur réservation. Ça se peut qu'il y ait des événements qui soient déjà tout bouqué d'avance. Exactement. Aussi du côté sonore de ces pop-up-là, il y a le Désert Mauve, qui sont des tableaux sonores. C'est une exposition disponible du 20 au 23 mai. Il y a également une conférence Altérité et création. Celle-là m'intéresse beaucoup. Ça va se dérouler le 21 mai. Et finalement, le cabaret déjanté Printemps de la musique. Donc ça, c'est le 22 mai. Comme Gentiane le disait, on vous invite à aller voir le site web du Mois Multi. À partir du site web de Recto Verso, sinon la page Facebook, les informations sont disponibles un peu partout sur le web. Donc, pour les inscriptions, pour connaître les heures exactes et les lieux de diffusion. Et il y a un autre gros diffuseur aussi qu'on est très heureux de voir rouvrir. Mais oui, le Musée national des beaux-arts du Québec. Bien sûr. N'a actuellement pas d'exposition temporaire à présenter. Donc, l'accès est gratuit. Ils sont ouverts seulement les fins de semaine, les vendredis, samedi et dimanche à partir du 14 mai, donc ce vendredi. Et puis, non, il faut réserver quand même vos places parce que les accès sont limités, évidemment, mais c'est une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir donc les différentes expositions permanentes, y compris le pavillon Charles Baillargé, où vous pouvez notamment visiter la très, très belle exposition « Errance sans retour ». Très touchant. Une exposition très touchante qui nous met face à des réalités qui chamboule notre perception du monde, carrément. Oui, tout à fait. Oui, encore plus qu'elle a été chamboulée cette année. Donc, c'est sur, si je ne me trompe pas, c'est sur la situation des Ouïghours. Exactement. Dont on a entendu parler trop peu, disons-le, dans les médias, mais là, c'est une belle occasion d'en parler, d'y réfléchir, mais sous un point de vue art visuel et dans un magnifique lieu. Donc, le musée sera ouvert gratuitement, comme le disait Gentiane, pour 4 fins de semaine, avant de reprendre un horaire et un tarif régulier à partir du 12 juin. Et ça, c'est pour le début de l'exposition Picasso Figure. La billetterie est ouverte pour réserver vos visites et on a vu aujourd'hui passer sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a une autre exposition qui va être conjointe à Picasso et qui est très intrigante. Oui, ça fait partie de notre petite section à surveiller de l'agenda parce que ce sont des choses, bien sûr, qui vont venir un peu plus tard dans l'été, mais qu'on a quand même très hâte de voir. Donc, cette exposition-là qui va être adjacente, conjointe, communicante avec l'exposition Picasso Figure, va débuter en même temps et va être dans une salle adjacente aussi. Et c'est une exposition qui s'intitule « Ouvrir le dialogue sur la diversité corporelle ». Donc, le titre dit « Qu'est-ce que c'est ?» C'est une exposition qui est composée d'illustrations, de photographies, de sculptures, de peintures, d'œuvres réalisées au crochet qui présentent le travail de tout plein d'artistes et de collectifs, dont un collectif qu'on connaît bien, « The Womanhood Project ». Chasen Yeboa, Camissa Makoita, Kesna Dals, Fred Laforge, Alain Benoît, Marion Wagchal, Ariane Clément, Hayley Morris, Cafiero et Les Folies Passagères, que j'aime particulièrement. Oui, donc c'est une exposition qui est réalisée à partir d'œuvres de la collection du Musée national des beaux-arts du Québec et qui vient ouvrir justement le dialogue sur la diversité corporelle et tenter de redéfinir les stéréotypes qui sont associés au genre, qui sont associés au poids ou aux différentes représentations très normées de la société. Donc, une belle initiative du Musée national des beaux-arts du Québec. Tout à fait. Et finalement, parce qu'il nous reste